Ok. Scribe. Yeah. 1 Oh, ok. Le son est spécial, bébé bestial. Quand je prends le mic, ça fait mal. Très mal, trop la dalle. Buzz cri dans les enceintes, c'est de la balle. Bouge ta tête et bouge ton crâne. Et bouge ton boule, c'est pas mal. Déhanche-toi comme tu sais le faire. Ma belle fait baver les chacas. Tu penses qu'à provoquer. T'as des faux formes à croquer. Chaud choqué par ta beauté. Les chiens veulent t'emboîter comme un billboquet. Ça danse et se bouscule, ça gesticule. Ça avance et ça recule. Articule, mal articule. T'as bu plus trop de la voix carré de bulle. Tu titubes, gerbe sur tes pompes. J'lâche une bombe, voilà mon petit tube. J'lâche des thunes, des tonnes. Et j'lâche mon tube du top. Pétape des mains. Claque, éclate les biens. Bloque les pieds. Ça fait 1, 2, 3, partez. Jumpy. Je sens que tout le monde est chaud ce soir. C'est la folie du dance floor, mon pote jusqu'au bar. C'est la folie, tout le monde est beau gosse ce soir. C'est la folie, le son fou, la merde, le bazar. C'est la folie. Jumpy. C'est la folie. Jumpy. C'est la folie. Jumpy, folie, party, mec dans la zone, trop d'alcoolique, mat mes acolytes, t'en as pas de limite, trop t'aimes bien le gimmick, appelé donc sur repeat. Jumpy, OP, ok, dopé, sauter, crier, jumpy, toute la nuit, prends la piste, prends un trampoline, t'as plus de gagas, mon ami, nous n'oublie pas, t'as ta ventoline, t'es pété, va donc au lit, bouge ta tête, t'as torticolis, les conquêtes, tu les multiplies, t'aimes les culs, t'aimes pas les QI, t'es qu'un mec en rute, tu prends les meufs toutes pour des trop de squal, trop de swag, dans la boîte scribe official. Trop, je traumatise le beat, trop vas-y je kick, trop je vais trop vite, trop vas-y je débite, trop je mets la trick, ramène ton équipe athlétique, jumpé sur le rythme. Jumpy. Je sens que tout le monde est chaud ce soir. C'est la folie du dance floor, mon pote jusqu'au bar. C'est la folie, tout le monde est beau gosse ce soir. C'est la folie, le son fou, la merde, le bazar. C'est la folie. Jumpy. C'est la folie. Jumpy. C'est la folie. Jumpy. C'est la folie. Jumpy. C'est la folie. Je sens que tout le monde est chaud ce soir. C'est la folie du dance floor, mon pote jusqu'au bar. C'est la folie, tout le monde est beau gosse ce soir. C'est la folie, le son fou, la merde, le bazar. C'est la folie. Jumpy. C'est la folie. Jumpy. C'est la folie.